Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL, une radio qu'on s'intonise évidemment au 89.1, au cadran et à ckrl.qc.ca sur la toile. Gaëtan Gosselin au microphone, très heureux de vous retrouver ce soir autour de nouveautés dont je n'ai pas vraiment trouvé le facteur de cohésion qui m'aurait permis de faire une émission bien structurée avec un thème ou bien une approche, comme on dit, dans le monde des idées ou encore dans le monde de l'aviation. Cela dit, je vous propose finalement trois belles propositions sonores qui vont t'enrichir, et je dis ça modestement tout de même, qui vont enrichir notre patrimoine acoustique individuel et probablement notre imaginaire sonore. Je me propose donc de vous faire écouter ce soir quelques extraits du très réputé Phil Niblock, un artiste multidisciplinaire né en 1933 et qui est décédé au début de l'année 2024. Un créateur dont on reconnaît l'immense contribution à l'univers de l'expérimentation sonore par le biais d'une exploration sans compromis, on va le dire, et vous allez l'entendre, des tonalités de longue durée. On appelle ça de nos jours tonalités de drone ou encore dans le monde de la musique, long bourdon. On va également faire une petite incursion dans les derniers travaux d'un artiste d'origine turque qui vit maintenant à Berlin. Il a pour nom Koran Erel. On va écouter une pièce très singulière qui m'a séduite dès la première écoute, une création qui est essentiellement basée sur les voix de synthèse ou encore transformée par les appareillages numériques et qui fait référence au monde du hacking informatique. Mais pour lancer la soirée, je vous propose un bel album tout chaud, une réalisation de Mecha Fixes Clock, un ensemble à géométrie variable sous la gouverne pas trop rigide, j'imagine, de Michel F. Côté. L'album s'intitule « Mon viendra », incluant un sous-entendu ou bien un tour comme aime les pensées Michel F. Côté. Alors, c'est un album éclectique, franchement très beau, qui incorpore des riffs de trompettes joyeuses, des battements de baguettes sur cuve, de la matière radioactive, des cordes électriques, des évocations de Maurice Ravel et autres sonorités du paradis terrestre. En tout cas, c'est la lecture que j'en fais. Et comme le corpus sonore est dédié à la mémoire d'Emmanuel Simoni, je lance ça avec une pièce intitulée « L'ami parti se réinventer ». Alors, on écoute ça. Thank you. Magnifique pièce et quelle belle illustration de ce qu'on appelle les nouvelles musiques. Alors, ce bel album de Mecca Fix Clock a pu compter sur la participation de plusieurs artistes et pas les moindres, ce qui ajoute à l'intérêt et à la qualité, grande qualité de ce projet. Donc, Michel F. Côté, évidemment, qui est associé à Géraldine Aiguillouze au chant, flûte et trompette, Bernard Falaise, le magnifique à la guitare électrique, le regretté Thierry Kessir au piano, Philippe Lauzier à la clarinette basse et au saxophone soprano et enfin, fin de liste, Jean-René à l'alto. Ils ont compté, et je le souligne, sur la complicité de Bernard Grenon pour en faire un enregistrement de très belle qualité. Et on écoute cette fois un enchaînement de deux pièces, grappe moléculaire sautillante. On reconnaît le sens de l'humour de cette belle gang. Et ce sera suivi de singularité unique. C'est tiré de l'album « Mon viendra ». on retrouve sur ce bel album de Mecca Fix Clock un insipide bien senti, une sorte d'introduction assez évocateur, et je vous lis ça à l'instant, j'ouvre les guillemets. « Esclave cardiaque des étoiles, nous conquérons le monde avant de sortir du lit. Nous nous éveillons, il est opaque. Nous nous levons, il est étranger. Nous sortons de chez nous, il est la Terre entière. Plus le système solaire, plus la Voie lactée, plus l'indéfini. » Je referme les guillemets. Fernando Pessoa. Thank you. Vous écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL, Gaëtan Gosselin au microphone. On se retrouve ce soir autour de nouveautés sonores, celles de Mecca Fix Clock, un ensemble mené par Michel F. Côté qu'on vient d'entendre. Et on poursuit ça sur un registre assez différent avec un projet réalisé par l'artiste sonore d'origine turque Koran Erel, un artiste que je vous ai présenté déjà. Le projet sonore que je vous propose ce soir, il est tiré d'une installation imaginée par Koran et présentée dans le cadre d'une exposition collective présentée à Hong Kong et intitulée « Activate Yourself », « Activate » faisant référence ici aux hackers informatiques. L'installation de Koran s'intitulait « Nous sommes tous pareils », constituée de deux haut-parleurs et d'une photographie. L'œuvre sonore de Koran Erel, vous le constaterez à l'écoute, revisite et réinterprète un texte qui s'intitule « The Hacker Manifesto », un essai écrit par Lloyd Blankenship, dit le mentor. Ça se passait en janvier 1986. On raconte que Koran Erel a fait lire cet essai par trois voix informatiques réparties sur des haut-parleurs. Entre ces parties, il a inséré de courtes compositions sonores rappelant les sons informatiques de l'époque. Vous allez entendre des collages de sons trouvés, des extraits de conférences du philosophe Michel Foucault, pourquoi pas, et des versions glitché du manifeste, tout ça pour déterrer, pour sortir et jeter un nouvel éclairage sur l'un des premiers manifestes de l'ère informatique. Le spectateur expérimente cette œuvre sonore en se déplaçant entre deux haut-parleurs et devant une photographie du manifeste du hacker. Bon, je ne connaissais pas ce manifeste du hacker, aussi appelé « La conscience d'un hacker ». Eh bien, c'est un court essai écrit par Blankenship, un hacker en sécurité informatique. Il a écrit ce manifeste après son arrestation. Il l'a publié pour la première fois dans le Hacker Usine clandestin FRAC. Vous vous en doutez bien, on le retrouve sur de nombreux sites Internet. C'est une pièce majeure de cette culture-là. Le manifeste affirme, et c'est important, que le piratage informatique a une raison d'être qui dépasse les désirs égoïstes d'exploiter ou de nuire à autrui et que la technologie devrait être utilisée pour élargir nos horizons et tenter de garder le monde libre. Alors voilà, je ferme les guillemets. C'est là-dessus que je vous fais entendre cette pièce de Koran Erel qui s'intitule « Nous sommes tous pareils ». Bon, ça s'intitule en anglais « We are all alike ». Alors, on écoute ça, une pièce de belle durée. Another one got caught today. It's all over the papers. Teammates are arrested in computer crime scandal. Hacker arrested after bank tampering. Damn kids. They're all alike. Did you, in your three-piece psychology and 1950s techno brain, ever take a look behind the eyes of the hacker? Did you ever wonder what made them tick? What forces shaped them? What may have molded them? I am a hacker. Enter my world. Mine is a world that begins with school. I'm smarter than most of the other kids. This crap they teach us bores me. Damn underachiever. They're all alike. I went to your high or high school. I've listened to teachers explain for the 15th time how to reduce a fraction. I understand it. No, Ms. Smith, I didn't show my work. I did it in my head. Damn kid. Probably copied it. They're all alike. Discovery today. I found a computer. Wait a second. This is cool. It does what I want it to. If it makes a mistake, it's because I screwed it up. Not because it doesn't like me. Or feels threatened by me. Or thinks I'm a smart ass. Or doesn't like teaching and shouldn't be here. Damn kid. All he does is play games. They're all alike. Another one got in through an addict's vein. Another one got damn kid. Another one got, we've been spooned. Another one got a refuge from the. Another one got it because it doesn't. Another one got action. Another one got ek. What forced it in computer. Another one got. Or another one got pupils. But the. Another one got, I know you all. Another one got happened. Another one got ever. Another one got in your three piece. Mine is a world that. Another one got incompetencies. Another one got pre-chewed and taste. Another one got is where I belong. Another one got. Or doesn't look. Another one got my head. Another one got you food at school. Another one got you bet your ass where. Another one got an electronic pole. Another one got it's because I screwed. Another one got for the 15th time. Another one got. Did you ever. They're all alike. Another one got that like teaching and. Another one got that had something to. Another one got. May never hear. Another one got. They're all alike. Another one got covery today. Another one got, it's because I, another one got, but those fewer kids, another one got, or, another one got, know everyone here as of the hacker, another one got, oh, miss, another one got kid, another one got, I me, another one got, they're all alike, another one got, and through the phone line, another one got, a refuge, another one got, called a second, and never met them, your ass were all, never hear from them. This is it. Owen through an addict. All he does is play opiate. Mine is another one got open to a world. Another one got damn kid. Another one got age or arrested. Isn't like teaching. Another one got Smith. Another one got damn under. Another one got. I made a look behind the egg. We've been another one got or what made them tick. Another one got to reduce a fraction. Another one got on my work. Another one got. They're all alive. Another one got, wait a second. Another one got, I found a computer. Another one got, this is cool. And then it happened. A door opened to a world. Rushing through the phone line like heroin through an addict's veins. An electronic pulse is sent out. A refuge from the day-to-day incompetencies is sought. A board is found. This is it. This is where I belong. I know everyone here. Even if I never met them, never talked to them, may never hear from them again. I know you all. Damn kid. Tying up the phone line again. They're all alike. Culture of the self. What are we now? What are we now? A kind of master who takes their money from them in order to teach them how to take care of themselves in the best possible way. What is our actuality as an historical figure? What are we? And what do we have to be as part of this activity? Why is it necessary to philosophize? And what is the specific task of philosophy in relation to this activity? Culture of the self. What are we now? You bet your ass we're all alike. We've been spoon-fed baby food at school when we hungered for steak. The bits of meat that you did let slip through were pre-chewed and tasteless. We've been dominated by sadists, or ignored by the apathetic. The few that had something to teach found us willing pupils. But those few are like drops of water in the desert. This is our world now. The world of the electron and the switch. The beauty in the bud. I'm a hacker, and I did it in my head. Damn kid. No, Miss Smith. No. I am a hacker, and I did it in my head. Damn kid. No, Miss Smith. No. I didn't show my work. I did it in my head. Damn kid. We made use of a service already existing without paying for what could be dirt cheap if it wasn't run by profiteering gluttons. And you call us criminals. We explore. And you call us criminals. We seek after knowledge. And you call us criminals. We exist without skin color, without nationality, without religious bias. And you call us criminals. You build atomic bombs, you wage wars, you murder, cheat, and lie to us and try to make us believe it's for our own good, yet we're the criminals. Yes, I am a criminal. My crime is not my crime. The man says, we are all good. Yet we are criminals. Yes, we are criminals. Yeah, law, are you law or fact? After all, we are all alike. We are all alike. Yes, I am a criminal. My crime is that of curiosity. My crime is that of judging people by what they say and think, not what they look like. My crime is that of outsmarting you, something that you will never forgive me for. I am a hacker, and this is my manifesto. You may stop this individual, but you can't stop us all. After all, we are all alike. Beau projet de Cora Nerel, je vous avais promis de la sono pour stimuler l'imaginaire sonore. Eh bien, on est servi avec cette relecture du manifeste du hacker réalisé par Cora Nerel, qui est un artiste sonore, musicien, improvisateur et designer qui vit, travaille à Berlin. Sa passion touche les instruments électroniques, vous en doutez bien, numériques aussi, avec lesquels il réalise des projets de création et des commandes pour la danse, le théâtre, le cinéma notamment. Il a participé à la fondation du groupe Isla Kopek, un groupe pionnier de l'improvisation libre en Turquie, ce qui est important. Et il est considéré comme un groupe qui a lancé la scène de l'improvisation libre là-bas. Et pour faire la transition, on va écouter un extrait de son dernier concert solo présenté à Berlin en 2023, intitulé Solo. C'était présenté à la Glass Concert Series à Berlin. Bon, on manque de temps, mais on va tout de même écouter un petit peu ce que ça donne. vous fais maintenant entendre quelques extraits d'œuvres du très réputé Phil Niblock, un artiste multidisciplinaire qui est né en 1933 et qui est décédé en début d'année 2024, un créateur dont on reconnaît, entre autres, l'immense contribution à l'univers de l'expérimentation sonore par le biais d'une exploration vraiment sans compromis des tonalités de longue durée. Comme je le disais en début d'émission, tonalité de longue durée qu'on appelle de nos jours tonalité de drone, ou encore bourdon pour ce qui est de la musique. Bon, il avait 90 ans. Je reprends ici presque intégralement le témoignage du New York Times suite à sa disparition. J'ouvre les guillemets. Phil Niblock, un compositeur et un artiste de cinéma et de vidéo new-yorkais qui a ouvert un nouveau terrain sonore avec des œuvres minimalistes, envoûtantes, incorporant des drones, des microtons et des instruments aussi divers que des cornemuses et de vielles à roues. Niblock n'avait aucune formation musicale formelle, ça c'est intéressant. Néanmoins, il est devenu une figure majeure du monde de la musique expérimentale, non seulement en tant qu'artiste lui-même, mais aussi à partir des années 70 en tant que directeur avec la chorégraphe Hélène Sommers, Experimental Intermedia, une fondation pour la danse, la musique d'avant-garde et d'autres médias. Quand on écoute les œuvres de Niblock, il faut s'installer confortablement et s'inscrire mentalement dans les temps longs de la matière sonore. Alors voilà, je referme les guillemets concernant cet article du New York Times. Alors, les pièces de Niblock de moins de 20 minutes sont très, très rares. Alors, je vous ferai entendre ce soir des extraits de projets qui vous donneront pour les uns une bonne idée de son univers et puis pour les autres qui le connaissent, ça va vous procurer du contentement à le réécouter. Et on débute ça avec un extrait d'une création intitulée AYU. On retrouve ça sur le label Touchwork. Alors on écoute ça. Eh bien, on raconte à propos de Phil Niblock que ce qui caractérise le style drone chez lui, c'est la modification subtile et graduelle de l'amplitude sonore qui nous fait perdre la notion du temps, nous entraînant, dit-on, de plus en plus profondément dans le son lui-même. Ce qui est remarquable, c'est que Niblock obtient cet effet en utilisant presque toujours des instruments acoustiques traditionnels. Alors, pour s'en convaincre, on va écouter un extrait d'une pièce intitulée « Disseminate as Five String Quartet ». C'est une création de 1998, et c'est intéressant parce que c'est joué par le quatuor Bozzini. Alors, on écoute ça. Et bien voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie de Mika Fixclock et des artistes Cora Nerel et le regretté Phil Niblock. Grand merci aux interprètes, notamment du Quatuor Bozzini. Grand merci aux artistes de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres, ainsi que ceux qui nous les ont transmises, les plateformes Touch, Mod Records et Michel F. Côté notamment. Alors, vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site Lacroche-Oreille, ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant. Alors voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore. Et on termine ça sur des sonorités de Phil Niblock. Alors voilà, depuis les studios de CKRL, au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.